Deutéronome chapitre 21, quand il se trouvera sur la terre que l'Éternel, ton Dieu te donne pour la posséder, un homme qui a été tué, étendu dans un champ, et qu'on ne saura pas qui l'aura tué, alors tes anciens et tes juges sortiront, et mesureront depuis l'homme qui aura été tué, jusqu'aux villes qui sont tout autour de lui. Puis les anciens de la ville la plus proche de l'homme qui aura été tué, prendront une jeune vache du troupeau, de laquelle on ne se soit point servi, et qui n'est point tiré étant sous le joug, et les anciens de cette ville-là, feront descendre la jeune vache en une vallée rude, dans laquelle on ne laboure, ni ne sème, et là ils couperont le cou à la jeune vache dans la vallée. Et les sacrificateurs, fils de Lévi, s'approcheront, car l'Éternel ton Dieu les a choisis pour faire son service, et pour bénir au nom de l'Éternel, et afin qu'à leur parole toute, cause et toute plaie soit définie. Et tous les anciens de cette ville-là, qui seront les plus près de l'homme qui aura été tué, laveront leurs mains sur la jeune vache, à laquelle on aura coupé le cou dans la vallée, et prenant la parole ils diront, nos mains n'ont point répandu ce sang, nos yeux aussi ne l'ont point vu répandre. Ô Éternel! Sois propice à ton peuple d'Israël que tu as racheté, et ne lui impute point le sang innocent, qui a été répandu au milieu de ton peuple d'Israël, et le meurtre sera expié pour eux. Et tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, parce que tu auras fait ce que l'Éternel a prouvé trop juste. Quand tu seras allé à la guerre contre tes ennemis, et que l'Éternel ton Dieu les aura livrés entre tes mains, et que tu en auras emmené des prisonniers, si tu vois entre les prisonniers quelque belle femme, et qu'ayant conçu pour elle de l'affection, tu veuilles la prendre pour ta femme, alors tu l'amèneras en ta maison, et elle rasera sa tête, et fera ses ongles, et elle ôtera de dessus soi les habits qu'elle portait lorsqu'elle a été faite prisonnière, et elle demeurera en ta maison, et pleurera son père et sa mère un mois durant, puis tu viendras vers elle, et tu seras son mari, et elle sera ta femme. S'il arrive qu'elle ne te plaise plus, tu la renverras selon sa volonté, mais tu ne la pourras point vendre pour de l'argent, ni en faire aucun trafic parce que tu l'auras humiliée. Quand un homme aura deux femmes, l'une aimée, et l'autre haïe, et qu'elles lui auront enfanté des enfants, tant celle qui est aimée, que celle qui est haïe, et que le fils aîné soit de celle qui est haïe, lorsque le jour viendra qu'il partagera à ses enfants ce qu'il aura, alors il ne pourra pas faire aîné, le fils de celle qui est aimée, préférablement au fils de celle qui est haïe, lequel est né le premier. Mais il reconnaîtra le fils de celle qui est haïe pour son premier-né, en lui donnant la portion de deux, de tout ce qui se trouvera lui appartenir, car il est le commencement de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Quand un homme aura un enfant méchant et rebelle, n'obéissant point à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, et qu'ils l'auront châtié, et que, nonobstant cela, il ne les écoute point, alors le père et la mère le prendront, et le mèneront aux anciens de sa ville, et à la porte de son lieu, et ils diront aux anciens de sa ville, c'est ici notre fils qui est méchant et rebelle, il n'obéit point à notre voix. Il est gourmand et ivrogne. Et tous les gens de la ville le lapideront, et il mourra, et ainsi tu ôteras le méchant du milieu de toi, afin que tout Israël l'entende, et qu'il craigne. Quand un homme aura commis quelque péché, digne de mort, et qu'on le fera mourir, et que tu le pendras à un bois, son corps mort ne demeurera point la nuit sur le bois, mais tu ne manqueras point de l'ensevelir, le même jour, car celui qui est pendu est malédiction de Dieu, c'est pourquoi tu ne souilleras point, la terre que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage.